Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film pour nos jeunes amis. Kate et Humphrey ont beau avoir grandi ensemble, ils n'ont désormais plus grand-chose en commun. Lui est un loup oméga qui ne vit que pour s'amuser, et elle est une louve alpha dominante, aussi disciplinée que directive. Fille du chef de la meute de l'Ouest, elle doit en plus épouser Garth, futur meneur du clan de l'Est, pour éviter une guerre. Alors que les noces se profilent, Kate et Humphrey sont capturés par les gardes forestiers et emportés à des centaines de kilomètres de leur réserve naturelle. Kate est trop belle. Humphrey, tu connais les règles. C'est une alpha et tu es un oméga. Ils vont tous les deux se retrouver plantés au milieu. Ouvrez les cages. De nulle part. Idaho ? Idaho ? On vous a amené ici pour repeupler. Ah ! Il faut que je retourne au parc Jasper au Canada. Ah ! Tu viens ? Ils n'ont rien en commun. Il faut que j'aille au... Tu peux pas te retenir ? Non, je peux pas ! Et ne savent pas ce qui les attend. Salut ! T'es trop bizarre ! Ok, bon bah moi j'y vais. Venez vivre une nouvelle aventure. En 3D. Alpha et Omega, un DVD métropolitain.